rancune s'installe sur un geste déplacé. À force d'écouter tes potes, t'as le pédo amer. La mater te supporte, mais moi je t'emmerde, putain. Verte de rage, rouge de colère, j'en ai vu de toutes les couleurs jusqu'au noir fier. Et si t'avais confiance en moi, tout simplement, tu ferais la différence entre écho et mon comportement. Les disputes, c'est pas mon point fort. Fort et intense, les mots s'enchaînent et causent des torts. On s'est quitté avec des paroles en l'air, frère. La bière de trop, alcoolisée, vulgaire. Je l'ai bu de travers, tu l'as très mal digérée. Je traîne avec elle, ok, mais je sais mes limites. Ta stricte crédibilité porte atteinte à ma liberté. À tort ou à raison, on s'est perdu, la rue l'a emporté. Dis-moi si j'aurais voulu pouvoir revenir en arrière. Dis-moi si moi-même, je sais, je bois, je déconne. J'aurais pas dû écouter les ragots. Mes excuses, mes regrets n'effaceront pas ce qui s'est passé. Putain, j'étais pétard, m'assiste. Dans ma tête, ça a chauffé. On m'a dit des trucs chelous. J't'ai pas laissé le temps de t'expliquer, me dire qu'il y avait Wellou. Regarde-nous maintenant, j'ai gâché la complicité à cause des blabla de la cité. Même tes pincos disent qu'à force d'écouter mes potos, j'ai pas de personnalité, au fond je m'en fous. Ce qui m'importe c'est que tu me pardonnes, j'ai pété un câble, ça sera plus pareil. Je sais, désolé, tranquille, calme-toi, écoute-moi. Tu sais que je t'aime ma puce, écoute un peu ce que j'ai au fond de moi. Les mots sont trop faibles pour dire ce que je ressens. En deux mots, je t'aime petite sœur. J'aurais voulu pouvoir revenir en arrière. Si seulement si. Oh nanana. Si seulement si. J't'aurais écouté si c'était à refaire. Si seulement si. Mais si seulement si. L'amour nous sépare même si nos liens le sont rapprochent. On porte le même nom, je suis fière aux reproches. Nos proches en souffrent, la reine-mère a mauvaise mine. Il manque toujours un de nous deux au repas de famille. J'ai la larme facile, mais mon pardon est sévère. Doté d'un sacré caractère. Et si seulement si tu n'avais pas dépassé les bornes, peut-être que je ne t'aurais pas fermé ma porte. Hermétique à ce qui te touche de près ou de loin. Tu n'aurais pas dû, jeu de main, jeu de vilain. Tu joues le thug avec tes potes ou le boss avec tes taspés. Mais moi je suis ta sœur et j'ai le droit au respect. Vas-y c'est bon, tu veux que je te dise quoi de plus toi aussi. Comme toi je suis dégoûté moi aussi. Je crois que c'est facile de marcher dans le quartier et d'entendre dire que ça russe et tu me traînais. Je suis pas là à te surveiller. J'aimerais que tu te respectes, qu'on te respecte. Je suis pas un keuf, je suis pas un te respecte. Fais gaffe avec qui tu traînes, regarde tes copines. Toute la tête est au courant de ce qu'elles font, t'imagines. Vas-y, viens on parle de nous, viens on s'écoute. Quand il s'agit de la famille, je n'ai plus rien à foutre. C'est vrai que j'ai mal agi, tu sais ce que c'est, le cœur et la raison. J'espère que tu vas me pardonner. Si seulement si j'aurais voulu pouvoir revenir en arrière.